Chapitre 13. La fuite et les merveilles du lac supérieur. Ainsi que la plupart des établissements de même espèce, la factorerie de la Pointe renfermait une certaine quantité de bestiaux. Chaque matin, ces bestiaux étaient lâchés sous la garde de quelques chiens qui les menaient paître autour du fort ou dans les îles voisines. Ils les ramenaient, le soir, aussi fidèlement que s'ils eussent été accompagnés par des bergers. Note de l'auteur, cette habitude de confier les troupeaux à la direction des chiens, sans le concours de bergers, est très générale dans l'Amérique septentrionale. Sur le bord des fleuves, le bétail franchit souvent des espaces considérables, à la nage, pour aller paître dans les îles environnantes. Et le soir, il rentre sous la conduite du chien qui l'a guidé dans ses excursions fluviatiles. Fin de la note. Revêtu de sa peau de jeune taureau, Menet ou Yacon se plaça résolument au milieu du troupeau, que la vieille Maggie fit aussitôt sortir de l'écurie à coups de houssine. « Tu ne te couches donc pas plus que les chouettes sorcières ?» grommela le factionnaire, auquel elle demanda d'ouvrir la porte du fort. « Mon frère dormait, car sans cela il aurait vu que le jour va luire, » répondit ironiquement Maggie. « le jour, je suis sûr qu'il n'est pas plus de minuit. »« Si je disais au chef qu'il m'a fallu éveiller mon frère. »« Tais-toi, tais-toi, je te donnerai un verre d'eau de feu. » « Surtout ma sœur, ma bonne sœur, ne dis pas au capitaine que je sommeillais, » repartit la sentinelle d'un ton singulièrement radouci. « Il ne le saura pas, alors que mon frère se hâte de laisser passer les bêtes, car le soleil ne tardera pas à se montrer. » La porte fut immédiatement ouverte, et mugissant, bondissant les uns sur les autres, se bousculant, les bestiaux se précipitèrent en tumulte sur la grève du lac. Malgré la prudence et l'agilité qu'elle déploya au milieu des loups ruminants, Menet ou Yacon faillit être victime de sa hardiesse dans ce court mais périlleux trajet, car un fougueux taureau, voulant devancer les autres, la heurta violemment. Et il l'aurait renversée, foulée aux pieds, peut-être écrasée, si par un mouvement rapide elle n'eût fui entre ses jambes. Cet accident évité, elle fut sauvée, en liberté. Le soleil n'était pas encore levé, mais déjà un brouillard épais achevait de fondre les objets dans la pénombre du crépuscule matinal. On ne distinguait pas à 5 pas devant soi. Menet ou Yacon se redressa, se débarrassa en un tour de main de la peau dont elle était couverte, la mit sous son bras et sauta dans un des canots d'écorce amarrés le long du rivage. Combien peu, même parmi les bateliers canadiens, ces hardis marins les plus intrépides du monde, eussent osé s'aventurer sur le lac supérieur à travers cette brume si intense qu'on l'eût pu couper au couteau pour nous servir d'une locution du pays. Et cependant la jeune indienne s'y élança, sans boussole, sans vivre d'aucune sorte, avec son seul instinct pour phare, son amour de Dubreuil pour espoir. Toute la journée elle resta accroupie sur les talons, dans le léger esquif, pagayant avec la vigueur d'un homme, ne s'arrêtant ni pour se reposer ni pour prendre de la nourriture. Mais quelques heures après qu'elle se fut embarquée, l'astre du jour avait, après une lutte opiniâtre, vaincu et déchiré le voile grisâtre qui l'enveloppait, et il s'était déployé dans toute sa glorieuse splendeur pour réjouir les êtres animés et féconder la terre. Menet ou Yacon, côtoyant le bord méridional du lac, avait passé tour à tour la rivière Montréal, que commande à droite une haute montagne, la pointe de la petite fille, et enfin elle avait fait halte à la rivière Noire. Là, elle déterra et mangea des oignons qui croissent abondamment dans ces parages. Puis, s'étant rafraîchie à l'onde du lac, elle se remit en route avec autant d'ardeur que si elle eût fait un repas substantiel et réparé ses forces par un long sommeil. Toute la nuit, notre brave Nado et Cis poursuivit sa route. Au matin, elle se trouvait à la baie de la Pêcherie, où sa bonne fortune voulut qu'elle rencontrât un de ces volieux de pigeons ramiers, appelés tourtes par les Canadiens, mémés par les Indiens du lac supérieur, qui se présentent par bandes si nombreuses dans l'Amérique septentrionale au retour du printemps. Avec sa pagaie, Menet ou Yacon tua une 20aine de ces volatiles, en fit cuire 2 dont elle déjeuna, serra les autres en un coin de son canot sous une couche d'herbages humides pour qu'ils se conservassent frais et repartit heureuse de n'avoir pas encore été troublée dans sa fuite. Comme le soleil allait se coucher, elle arriva à la presqu'île Kiwina. Menet ou Yacon avait résolu d'y camper pendant la nuit et de traverser le lendemain la presqu'île, son canot sur les épaules, ce qui devait abréger sa course de près de 30 lieues. Le potage à 2000 pas de longueur. La jeune fille était trop fatiguée pour le faire ce soir-là. Elle s'arrêta à la pose à 20 pieds au-dessus du niveau du lac, et avec sa peau de veau étendue sur 2 piquets, se dressa une petite tente. Après avoir pris quelques aliments, elle s'étendit sur le sable, sous sa tente, et tomba dans un profond sommeil, dont elle ne fut tirée que par cette exclamation échappée au plus bruyant enthousiasme. 100 000 millions de carabines, la jolie créature pour une sauvagesse, sans offenser mamselle. Mene Ouyakon s'était éveillée en sursaut. Elle bondit sur ses pieds avec la vivacité d'une panthère, et darda sur le perturbateur de ce repos un regard incisif. Aux naissantes clartés de l'aube, elle vit un personnage singulier, étirant complaisamment de longues moustaches jaunes, qui la contemplait avec une vivacité rien moins que modeste, et dont le son ne trompa point la jeune Aodoessis. « Oui, là vraiment, tu es fièrement belle pour une sauvagesse, et si tu avais seulement la chose de comprendre le français, nous nous entendrions bien vite, ma poulette, » fit-il en étendant la main, comme pour lui prendre la taille. Sans rien dire, la dienne recula d'un pas, mais le feu de ses prunelles s'était adouci. « Quel malheur, » poursuivit l'homme avec un accent de regret sincère, « quel malheur que ça ne se sache pas la langue des braves. Sans cela, ma foi, je serais bien capable de lui offrir ma main, aussi sûr que je m'appelle Jaco Godailleur. » Mais, ajouta agréablement l'ex-cavalier de première classe, en roulant de plus en plus belles ses moustaches entre le pouce et l'index et en se balançant, d'un air conquérant, sur la pointe du pied, « mais il y a un langage que saisissent tous les cœurs blancs, rouges, jaunes ou noirs. » Et il se pencha de nouveau pour saisir Mene Ouyakon dans ses bras. « Que désire mon frère ?» demanda froidement celle-ci. « Vous parlez français ?»« Tu parles français ?»« Elle parle français !» s'écria le dragon d'un ton aussi stupéfait que s'il eût entendu un quadrupède lui répondant dans sa langue. Puis après un moment de silence, donné à la surprise, il reprit avec la joyeuse insouciance qui lui était habituelle. « Mais ça me va parfaitement !» « D'abord, sans vous offenser, comment vous appelle-t-on, mamselle ?» Mene Ouyakon ne répliquant pas, Jaco Godailleur continua. « Vous voudrez bien, n'est-ce pas, m'obliger, et je vous récompenserai comme vous le désirerez. Si le mariage même ne vous dégoûte pas, eh bien, nous nous marierons à la mode de mon pays ou du vôtre. C'est-il dit ? Si vous êtes aussi bonne que vous êtes belle, je ne ferai pas un trop mauvais marché, après tout, car vous êtes tonnerrement taillée pour l'amour, ma petite. » Jaco Godailleur, ex-cavalier de première classe au 7e régiment de dragons, s'y connaît, croyez-le. Mon frère, dit la jeune fille, est l'esclave d'un chef français? Esclave, moi, jamais. Brosseur à la bonne heure, et je m'en flatte, mamselle. J'ai été le brosseur de mon marchef à un propre soldat. Le connaîtriez-vous? Alors, si vous avez eu l'avantage de lui plaire, je retire mes propositions. Sauf votre respect, mamselle, je ne vais jamais sur les brisées de mes supérieurs. Mais... « Où est le marchef, dites ?»« Adrien Dubreuil est prisonnier, » répondit Mene Ouyakon. « Les brigands ne l'ont donc pas tué ? Vous l'avez vu ? Vous lui avez parlé ? Quand ? Où ? » s'enquit l'ex-dragon avec une volubilité extrême. « Je l'ai vu, je lui ai parlé, il y a 3 nuits, » dit l'Indienne. « Où ? Dites-moi. »« Aux îles des apôtres. »« Connais pas, » fit Jaco avec un mouvement des épaules. « Mais, » ajouta-t-il d'un ton suppliant, « vous m'indiquerez le chemin. » « Non, dit Mene Ouyakon, si mon frère désire être utile à son maître, il fera mieux de me suivre. »« Vous suivre ? Mais j'irai au bout de la terre, sans vous manquer de respect, mamselle. Car figurez-vous que j'ai été pris avec le marchef par ces scélérats d'assassins, que leur capitaine, un diable rouge, m'a mordu au cou, jeté à l'eau, que je suis rentré à la nage dans le bateau où j'ai retrouvé le marchef, mais pas pour longtemps, car au milieu de la nuit, regardant par un panneau de la goélette, et voyant qu'elle voguait près de terre... J'ai pensé que je ne pouvais pas servir le marchef, tandis que je courais risque de me desservir beaucoup moi-même en restant sur le navire. Et j'ai pris de la poudre d'escampette. Ah, si j'avais su! Je gagne le bord, j'attends le jour pour m'orienter. Je découvre des tas de gens. Bon, je me dis, te voilà sauvé, Godailleur. Mais c'étaient des Américains qui travaillaient aux mines de cuivre. Ils ne me comprenaient pas, ni moi non plus. À grand-peine, j'ai pu vivre depuis ce temps-là. Quel coquin de pays sauf votre respect, mamselle. Ça ne fait rien, si le marchef ne vous a pas... Vous m'entendez? Et si vous pouvez me fournir le moyen de retourner en France, ma foi, 1 000 000 000 de carabines, je vous épouse. Mais il paraît que vous me connaissez aussi. Je te connais, mon frère. Ah, j'y suis, le marchef vous a parlé de moi. Ton chef m'a parlé de toi. Mais sans vous offenser, fit alors Jacques d'ailleurs d'un ton méditatif, vous me tutoyez comme si nous avions été camarades de lit pendant tout un congé. Est-ce qu'il me serait permis de vous rendre la réciproque sous votre respect ? Cette question saugrenue demeura sans réponse. Menet Ouyakon ne l'avait pas entendue, tout occupée qu'elle était à examiner un point presque imperceptible sur le lac. « Mon frère, dit-elle soudain, je vais chercher du secours pour ton chef. Es-tu disposé à m'accompagner ?»« À l'extrémité du monde, je le répète. »« Viens alors. Mais où irons-nous ? » ?»« Au Soult de Sainte-Marie. »« C'est diablement loin, dit le dragon. »« Ton cœur est-il timide comme celui d'un lièvre ? » ?»« Alors reste ici. » »« pas du tout, riposta Jaco. » C'est que ce n'est pas gai ici, ma colombe. J'aime bien mieux faire 3 ou 4 étapes en tête à tête avec un aussi gentil compagnon de route. » Ce disant, le galant ex-cavalier de première classe se rapprocha de Menet Ouyakon dans l'intention de lui prouver qu'il était un digne appréciateur de ses charmes. Mais elle se rejeta en arrière en s'écriant d'un ton noble et fier qui glaça les dispositions galantes de Jaco. Esclave, sois respectueux si tu veux que la fille des Sachem Naoudessis te conserve une partie de l'amitié qu'elle a pour ton chef. Ensuite, elle replia sa tente, plaça son canot sur sa tête, sans prêter l'oreille aux instances de Godailleur, qui la pria de lui permettre de porter l'embarcation, et d'un pas rapide s'avança vers la cime du cap. Émerveillé, fasciné, le dragon la suivit, en poussant de temps à autre des exclamations laudatives. En moins d'un quart d'heure, ils atteignirent un terrain plat, marécageux, planté de saules, de trembles, nains et de frênes. À travers ce marais, qui pouvait avoir 1 mille d'étendue, et où s'élevaient çà et là des huttes de castors, serpente un ruisseau d'eau vive. L'Indien y lança son canot et s'y établit à l'arrière, sa pagaie à la main. « Sauf votre respect, mademoiselle, cette coquille de noix ne pourra jamais nous soutenir tous les deux, » dit Jaco d'un ton inquiet. « Monte, mon frère, et ne crains rien. »« Du diable, si j'oserais. »« N'aie donc pas peur. »« Mais ça va chavirer, » reprit Godailleur, qui, entrant dans l'eau jusqu'à mi-jambe, avait posé un pied dans le frêle esquif. « Couche-toi à l'avant et ne bouge pas. » Jaco obéit, non sans trembler quelque peu. Et le canot glissa dans la baie profonde formée par le lac supérieur, au sein même de la presqu'île Kiwina. Le ciel était d'un bleu sans tache, l'air vif. On respirait à plein poumon les fortifiantes senteurs des plantes qui commençaient à fleurir. 100 oiseaux, aux brillants plumages, babillaient sur l'onde ou voltigeaient en quelque temps dans les branches des arbres. Menet Ouyakon se prit à adresser sa prière à l'Éternel. « Rotko ni yes ne ra ni ha, ni o ni roe wa we, ni o ni ye sada yuchtu, ho ni go ni yuchtu. » Note de l'auteur mot à mot, « Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, le Dieu que nous adorons, gloire soit comme a été et maintenant et sera tout jamais. » Fin de la note. Elle achevait cette hymne si belle, si musicale en l'idiome dont elle se servait, quand le canot déboucha dans le lac supérieur. « Vous avez déjà fini, mamselle ?» demanda Godailleur d'un ton de regret. « Je n'ai pas compris un mot, mais n'empêche qu'elle est diablement harmonieuse, votre chanson. Et si vous vouliez m'en dire encore un couplet ou deux ?»« Mon frère, ne remue pas ainsi, car tu ferais verser le canot, » dit Menet Ouyakon, à qui un mouvement du dragon avait failli faire perdre l'équilibre. « C'est, répondit Jaco, que ça me transporte, sous votre respect, mamselle. » L'Indienne ne répondit pas. Et malgré sa bonne envie de jaser, l'esque cavalier de première classe ne réussit pas à lui arracher une parole pendant le reste de la journée. Le canot, lourdement chargé, ne marchait pas au gré de l'impatience de Menet Ouyakon, qui se serait repenti d'avoir emmené Godailleur avec elle, si elle n'avait pensé qu'il l'aiderait près du père Rondeau, au Soult de Sainte-Marie. À la nuit close, ils atterrirent à la pointe au gâteau, près des îles Huron, pour souper et se reposer. Jaco était moulu de fatigue à cause de la position incommode qu'il avait dû observer. Mais, ignorant l'art de pagayer, il aurait plutôt gêné sa batelière en cherchant à la seconder qu'en se tenant couché au fond du canot. Le lendemain, ils repartirent avant l'aurore et atteignirent vers midi le détour près de la grande île. Pour la première fois, l'extra-dragon vit une de ces merveilles que la Providence a libéralement semées dans le lac supérieur et sur ses côtes. C'est un vase en grès jaune, ayant 20 pieds d'élévation, 12 de circonférence à son extrémité supérieure, et dont les dimensions sont aussi parfaites que celles d'une coupe de cristal taillée par un ouvrier habile. note de l'auteur, nous croyons devoir faire remarquer que cette description et toutes celles que l'on va lire ne sont pas le fruit de l'imagination de l'auteur, mais d'une vérité que surpasse beaucoup encore la réalité. Fin de la note. Rien n'égale l'élégance de cette curiosité naturelle, rien de comparable à l'étonnement qu'elle cause, si ce n'est cependant la série de prodiges de même espèce dont elle n'est en quelque sorte que le prélude. À 6000 de là, vous trouvez l'hôtel et l'urne, de nouveaux jeux de la nature. Un intervalle de 100 mètres, coupé à distance égale par un ruisseau, les sépare. De même que le vase, ils sont en grès jaune très friable. Leur hauteur peut égaler 10 mètres. L'hôtel se compose de 3 blocs. L'urne est un monolithe dont le sommet a 5 mètres de rayon et le piédestal à peu près 2. Dressés sur le bord du lac, eux aussi semblent défier la production humaine la plus parfaite. Mais nous ne faisons qu'aborder ces monuments gigantesques de la puissance et de l'art divin. Voici que se présentent les rochers peints, cet incroyable spectacle dont le lac supérieur a l'unique privilège. La rive méridionale croît, monte, elle touche au nu. L'orgueil de l'homme s'abaisse, il se rapetisse, il se replie, s'effraie devant la sublimité de la scène. Ces rochers sourcilleux, suspendus dans les airs, couronnés par de sombres forêts de pins, troués à leur base par de noires cavernes, où les eaux s'engouffrent avec des bruits plus effroyables que les roulements du tonnerre, et ses couleurs éclatantes, or, argent, pourpre, azur, émeraude, si savamment distribués leur face, tout concourt à troubler l'âme, à lui infliger le sentiment de son humilité et du pouvoir de l'éternel Créateur. Non seulement ces couleurs sont ombrées et fondues d'une manière surprenante, mais comme le dit avec raison un voyageur américain, elles offrent en quelques places de véritables tableaux. Note de l'auteur. Ces tableaux naturels, d'une grande régularité de dessin, ne sont pas rares en Amérique. Dans les derniers, Iroquois, j'ai déjà essayé de décrire celui que l'on remarque sur les bords si pittoresques du Sagoway. Fin de la note. Dessiné sur le roc avec une correction de ligne, une combinaison, un brillant de teinte, dont la contemplation ne fatigue jamais l'œil, et auquel l'esprit ne parvient jamais à s'accoutumer suffisamment pour les regarder sans que quelque crainte se mêle à son admiration. Ici, c'est un paysage avec des arbres, dont vous reconnaissez l'essence, le mur d'un parc ou d'un jardin, une pièce d'eau, et tout à fait dans le fond, broute un troupeau conduit par un berger, coulant du faîte des rochers. Les eaux, trempées de minerais de fer ou de cuivre, ont peint un château gothique. Et quel château ! Un séjour de géants. Il a 200 pieds de haut. Ses fenêtres ogivales avec leurs vitraux en losange en ont 50 ou 60, et ses portes crénelées, flanquées de tourelles, une centaine au moins. Passons à cette plaque de granit, veinée comme de l'agate et resplendissante de mille feux aux rayons du soleil. Le morceau embrasse 20 pieds carrés. Essayez de décrire la variété et la richesse de ces tons. Impossible, impossible. L'imagination y échouerait même. Mais j'aperçois flamboyer, sur cet immense rempart, cette œuvre cyclopéenne dont l'étendue, l'altitude, trompe mes sens. J'aperçois flamboyer un incendie. C'est une forêt en feu. La fumée roule en large spirale. À travers ces nuages épais scintillent des flammèches. Les arbres se rompent. Ils chancellent, roulent à terre. Des troncs embrasés s'échappent des tisons ardents. Vous semble-t-il pas entendre le bruit de leur chute ? La conflagration brille au loin. Elle nous poursuit, dévore tout sur son passage. Mais enfin, ces horreurs s'éteignent, se perdent dans de profondes et fraîches vallées, aux verts ombrages toujours riants, où l'on aimerait se promener à rêver, si le fracas affreux qui se fait sous les pas nous rappelait bientôt que toutes ces scènes, vallons, incendies, manoirs, parcs, troupeaux, ne sont que des fictions, des mirages décevants. Notre vue s'est heurtée tout à coup aux lourdes assises du château de Roche, qui mesure 300 pieds de haut et se réfléchissent à plus de 60 dans le miroir du lac, château tout hérissé de colonnes brisées, de décombres énormes, dont les arêtes saillantes, les gouffres informes, insondables, produits par l'accumulation des blocs tombés des caps voisins, donnent le frisson, le vertige quand on plonge les regards à ses pieds. Silencieusement, avec une éblouissante rapidité, le canot qui porte Menet, Ouyakon et Jaco Godailleur a filé devant ce féerique panorama que l'ex-dragon voit se dérouler sous ses yeux avec un mélange d'étonnement et d'effroi, mais auquel l'Indienne ne prête pas la moindre attention. Elle pagaie, pagaie de toute sa vigueur. Son bras fatigue la rame sans se lasser. Parfois, elle tourne la tête, une seconde ses noires prunelles vers l'ouest, où apparaît un canot monté par un seul homme, et murmure « C'est Judas, je l'avais deviné à la pointe Kiwina. Je le reconnais maintenant, il ne me reste qu'un moyen de lui échapper, c'est en me réfugiant sous la portail. »